Crosby. Derrière à Aguilla. Aguilla vers Crosby. C'est lui. That's like here's a shot. Henderson made a wild step worth fell. Here's another shot. Fight by the door. Henderson and scores for Canada. Alors donc 4 à 4. Et là, l'attaque des Patriots sont quand tirent le bouton. Et le but. C'est long et c'est capté. Julien Ferli file jusqu'à la zone des buts. Touché pour le Rouge et Or. Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à Les Conduites de Partie, l'émission qui vous parle de sport de partout à travers la planète, mais surtout en Mauricie. Bon matin Marc-Antoine. Bon matin Nicolas. Ça va bien? Ben oui, toi? Ah oui, t'as un petit peu froid ce matin, mais on va s'en tirer quand même. Je suis présentement affligé par la grippe, donc on va se croiser les doigts que... Tellement froid qu'on a un micro vide ce matin. Oui, ben on a un micro vide, s'il fait froid, ça peut nuire à vos automobiles et on sait ce qui est arrivé. Alors Philippe Doucet n'est pas avec nous présentement, devrait arriver un petit peu plus tard. Ouais. Malheureusement, problème de voiture. Donc, on le salue s'il est à l'écoute présentement, s'il est en route. Et s'il ne l'est pas, vous allez pouvoir entendre sa voix un petit peu plus tard. Si tout va bien, on se croise les doigts. Oui. Alors, aujourd'hui à l'émission, on vous parle, on va tout d'abord débuter avec, on va vous parler des Patriotes de l'UQTR, hockey, soccer. Deuxième aussi. Ronde. Pour Deuxième ronde pour les Patriotes qui atteignent la demi-finale, plutôt les quarts de finale l'espoir universitaire, la conférence des sports universitaires de l'Ontario. On va aussi parler soccer féminin. On vous parle d'hockey junior majeur du Québec. Les Cataractes qui étaient en action se sont dirigés vers les Maritimes, la semaine dernière, mercredi dernier. Et bon, on passait plusieurs jours là, donc on va en discuter avec Jonathan Roberge de l'Hebdo de Saint-Maurice. On va parler du Canadien de Montréal, hein, bien sûr, la classique héritage hier en direct de Calgary. Jonathan Bernier qui est encore là. Philippe! Rentre, Philippe! Rentre! Ah, c'est barré! Hein? Hey, Philippe! On venait de parler de toi, on venait de te saluer. Là, on se disait, ouais, Philippe, il va arriver un petit peu plus tard, mais merci Catherine pour ton dévouement. Hein? Fait que c'était la batterie, Philippe? C'était, en fait, j'en ai aucune idée. Je suis rentré dans l'appart, on vous a contacté, puis je suis retourné l'essayer, puis ça a fonctionné. Donc, la Daewoo Mobile? Oui, la Corée, la coréenne, ma coréenne préférée. Ça sonne louche, dis de même. Hein? Alors, donc, bienvenue dans l'émission, Philippe. Prends le temps de te déshabiller et retirer tes vêtements chauds. Alors, on va parler de ça. On va parler du hockey à Mauricie. Comme je disais, on va parler du... Oui, c'est ça qu'on disait. On va parler oui, du Canadien. Oui, la classique chocage. La classique chocage, oui. Hier, en direct de Calgary. Jonathan Bernier, qui est encore à Dory Frontenac, qui est encore à Calgary. On va s'entretenir avec lui. On va parler aussi probablement de NASCAR. On va toucher NASCAR. On va toucher tennis un petit peu. Hier, c'était Daytona 500. Et hier, défaite aussi de Miloš Raonic en finale. Quand même un beau parcours. On va toucher à ça. Et finalement, c'est pas mal ce qui fait le tour de notre émission. Donc, allons-y sans trop attendre avec le hockey universitaire. Les Patriotes disputaient deux matchs cette fin de semaine, OK? Un samedi à Concordia, un dimanche hier. Ben, c'est ça. On va commencer par Concordia. On aurait pu n'en disputer qu'un seul. Donc, vous comprenez que si on a perdu contre... si on a disputé un match hier soir, un match ultime, c'est qu'on a perdu contre Concordia lors du match du côté du Ed Meagher Arena. Je vous raconte un peu ce qui s'est passé dans ce match. On est vraiment sorti beaucoup trop confiant là du côté des Patriotes. De tout ce qu'on aurait pu faire, de tout ce qu'on avait fait de bien dans les dernières semaines, on n'a rien appliqué de ça. Les défenseurs se sont écroulés, ça se portait à l'attaque quand c'était pas le temps, ça bloquait pas les tirs, patati patata. Donc c'est pourquoi on a perdu 5-3 du côté de Concordia. Vous me direz 46 tirs pour l'UQTR contre 38 pour Concordia. Voyons, Nicolas, ils ont bien joué. Oh oui, à l'attaque, on a bien joué. Maxime Joyal, le gardien de but des Stingers de Concordia, et qui a obtenu la deuxième étoile, est un des grands responsables de cette victoire. Mais on a accordé des buts qu'on n'aurait pas dû accorder. Jean-Christophe Blanchard non plus, qui n'a pas eu son meilleur match. Lui qui dispute quand même du bon hockey ces temps-ci, qui a accordé, je dirais que sur le cinquième but, c'est un but dans un filet désert. Donc sur les quatre premiers buts, il y en a minimum deux qui n'auraient probablement pas dû entrer. A été particulièrement faible au niveau du cinquième trou, donc entre les jambes, donc ça l'a beaucoup nuit. Et du côté des Stingers, ben écoute, ma prédiction pour cette série était la suivante: les Patriots en trois matchs, dont une défaite à Concordia. Ouais. J'aurais difficilement plus à être sur la coche, là. Fais-tu une petite tape dans le dos? Une petite tape dans le dos. Voilà. T'as le dos qui résonne pas mal. Ouais, c'est ça, là. J'ai le dos creux. Donc, le sommaire dans ce match, c'est tout d'abord Martel qui ouvre la marque du côté de Concordia et Stinziani qui suit. Alors, en l'espace de 1 minute, 2 buts pour les Stingers. Toutefois, avant la fin de la première période, Jean-Sébastien Breton fait son premier des séries à 14 minutes 4 plutôt. Et Félix Petit, son deuxième des séries sur une passe de Donovan à 18 minutes 39 en avantage numérique. D'ailleurs, on a eu 7 avantages numériques pour les Patriots dans ce match. Je dirais qu'il y en a été. Il y en a un qui a été productif et il y en a 6 autres qui ont été affreux. Serge Lemay, ce qui disait, d'après moi, là, Jacques Laporte devrait être en mesure de refuser les pénalités. Faire comme Jean-Gal, laisse faire. C'est, on la prendra pas, comme au football. Là. Tu fais un safe avec les mains, là, je refuse. Pénalité denied. En deuxième période, c'est Éric Bégin du côté de Concordia qui, en désavantage numérique, profite d'une montée et a totalement... C'est un défenseur, Bégin. Il n'est pas le meilleur défenseur du côté de Concordia. A totalement déculotté Jean-Christophe Blanchard. Donc, but en désavantage numérique. Laroche remet les perdus à l'heure. Laroche, qui n'est pas un joueur de finesse, on le sait, une magnifique pièce de jeu de son côté. C'est son premier des séries. Donc, après... en milieu de période, c'est 2-2. Mais Kiefer Orsini, alors qu'il sortait du banc de punition, je parlais des avantages numériques, là, sortait du banc de punition, la bombe s'échappe devant Blanchard, compte plutôt à 15 minutes 54, donc c'est 4-3 plutôt, et finalement avec un but dans un filet désert, Mike Stinziani fait son deuxième du match et il donne la victoire 5-3 plutôt pour les Stingers de Concordia. Donc, on se déplace à Trois-Rivières. Hier soir, 20h. C'est tard pour un match, 20h. Et bien évidemment, avec ce qui se passait du côté de RDS et du côté de Calgary, et l'heure du match, et le fait que Caron Aiguë jouait tout juste avant, il n'y avait pas une tonne de personnes dans les estrades. On parle d'une foule de 218 personnes. Et les Patriots l'ont emporté 5-3. On a réussi à sauver la mise. On s'en va en deuxième ronde. 32-29 les lancés dans ce match-là. Un match qui était dominé, là, je dirais, à 80% par les Patriots. On a mieux joué, particulièrement en troisième période. On a retrouvé notre identité, la fameuse identité là, de bloquer les tirs, puis d'être partout sur la glace. Puis parce qu'on a joué beaucoup, beaucoup en désavantage numérique. Concordia ont eu 7 avantages numériques. En ont profité 2 fois. Donc encore là, c'est pas une super bonne moyenne, vous me direz. Mais on a quand même réussi à... On a bien joué en troisième période, là, particulièrement quand il y avait des 5 contre 3 ou des situations comme ça. Les buts, le sommaire dans ce match, c'est Félix Petit là, qui est vraiment l'histoire du match. Là. Tout d'abord, il ouvre la marque à 2 minutes 42, un but en avantage numérique. Les aides à Robichaud et Lessard. Et ensuite, c'est Jonca à Stade Breton, son deuxième des séries, à 3 minutes 26. Donc, on part extrêmement rapidement du côté des Patriots. 2-0 alors qu'il n'y a même pas 4 minutes de fête. Par contre, les pénalités viennent retarder un peu la mise. On parle du côté des Patriots, là. 1, 2, 3, 4, 5 pénalités en première période. Donc, vraiment, et du côté de Concordia, oui, on en a eu 4, mais là-dessus, il y a eu une pénalité de mauvaise conduite à Kelly et à Marc-André Lehmann qui a obtenu un 4 minutes, là, 2 minutes pour coup de bâton. Et Lehmann qui est le capitaine, mais qui s'en permet énormément, il a de la misère à avoir peut-être fermer sa bouche un peu, a obtenu un 4 minutes plutôt, là-dessus, a eu une inconduite sportive. Finalement, en deuxième période, Stinziani plutôt en avantage numérique alors qu'il restait un petit peu plus qu'une minute à la période, vient mettre la marque 2-1. En deuxième période, Olivier Donovan, son deuxième des séries, les aide à Petit et Chicoine. Et donc ça met la marque 3-1. on se dit trop un, là, ça peut-tu juste arrêter là, fini, tout ça finit propre, on est... Non. Kiefer Orsini, tôt en troisième, alors qu'il avait seulement 17 secondes de fait, en avantage numérique, sur une pénalité à Alexandre Demers. D'ailleurs, Demers, il s'est deux pénalités hier pour Alexandre Demers. Il y a de la misère un petit peu à suivre. Il veut Alexandre, mais là, il y a de la misère à suivre un petit peu. Son genou est vraiment pas à 100%. Sa pénalité, dans le fond, c'est qu'il s'est couché sur la rondelle. Il restait 20 secondes pour tenter de ralentir puis d'immobiliser le temps. Le genre de pénalité que tu sais jamais si tu vas te faire donner ou pas. Ouais, c'est ça, exactement. Et il se l'est fait donner. Donc il a été pénalisé et c'est Orsini qui en profite tôt en troisième. Mais finalement, une chance, les Patriotes reviennent à la charge. Étienne Bellavance-Martin, son troisième des séries, à 45 secondes. 45 secondes, je veux dire, quelques secondes plus tard, 30 secondes plus tard. Donc, qui remet les pendules à l'heure, 4-2. Félix Petit, son quatrième des séries, une aide à Blanchard là-dessus à 4 minutes 10. Et finalement, quelques secondes plus tard, là, tu sais, on se dit, bon, ça y est, 5-2, c'est fait. Non, 5-3, Mike Stenziani, à 4 minutes 37, reste beaucoup de temps. Les aides à Element Lovatis, mais finalement, c'est là que je te parlais d'identité, de jeu défensif, d'une équipe stable. C'est ce qui s'est passé. Et là, du côté des Patriotes, on a réussi à stopper les barrages, le barrage de tir de Concordia. Et vraiment, c'est ce qui termine. Donc, 5-3, on remporte la série du côté des Patriotes. Les 8 dernières fois en série que les Patriotes et les Stingers se sont affrontés, 8 victoires pour les Patriotes. La dernière fois, là, je vous sors ça, là, je crois que je l'avais noté. Non, malheureusement, je ne l'ai pas noté. Je crois que ça date de la saison 80, des années 80, la dernière fois que les Stingers... des années 60, fin 70, la dernière fois que les Stingers ont battu les Patriotes en série. Donc, ça fait extrêmement longtemps. Les étoiles dans ce match, Félix Petit, Pierre-Alexandre Jonca et Marc-André Lehmann du côté des Stingers de Concordia. Donc, on va aller parler au... J'ai parlé au héros du match, Félix Petit. Vraiment, deux buts, une passe à côté de Félix. Là. On sait qu'il avait de la misère à débloquer dans son cas. On voit son expérience avec les Remparts qui ont remporté la Coupe Mémorial en 2005-2006. Ça paraît vraiment... Là, on est en série, puis il débloque vraiment, puis il aide son équipe à gagner. Là, c'est ça, tu me vois les mots de la bouche carrément. Là. J'ai demandé Félix Petit, ça a débouché au dernier match de la saison, qui a marqué deux buts. Et là, il est parti, ça y est, c'est revenu dans son cas. Il est clairement le meilleur joueur des Patriotes là, présentement sur la glace. Pas que les autres fournissent pas. Là, les deux premiers trios jouent très bien. Puis Alexandre Jonca aussi là, qui mérite des applaudissements. Là. J'ai demandé à Félix Petit si c'était dommage que ce soit si difficile pour les Patriotes de capitaliser sur leurs opportunités. On se complique un peu la vie. Donc on va aller écouter ce qu'il avait à dire sur ce sujet. Ouais, encore, c'est un peu le point négatif, je dirais. Là. On dirait qu'on fait ce qui est nécessaire pour gagner. Quand c'est le temps, on le fait, c'est pas mauvais, mais je veux dire, d'aller perdre le deuxième match là-bas, puis comme je te dis, à soir, une couple de fois qu'on les laisse revenir. On gagne la première ronde, c'est ça qu'on voulait. Maintenant, on va essayer de corriger les petites choses. Mais... Je vais revenir à la défaite à Concordia, dans notre bus en venant, parce que vous avez dû sûrement penser à votre attaque à 5. C'est pas beau, là, l'attaque à 5. Pas juste ça. Ça fait du bien de marquer en forfait dès le départ, ça. Aussi. Puis, pas juste ça. Je veux dire, c'est inconcevable là, que... qu'on donne une chance à Concordia de remporter cette série-là, là, surtout avec notre force de frappe. Là. Tout le monde était conscient de ça, c'était pas très positif après la game. Là. Avant la game aussi, on s'en a reparlé, mais tout ça pour oublier. Il fallait quand même l'oublier, veux pas, on avait l'avantage de la glace. C'était un match sans lendemain, puis je pense... Alors, donc c'est ça, on avait l'avantage de la glace là, du côté des Patriotes, on se devait de l'emporter. C'est juste dommage qu'on ait eu besoin de trois matchs, là. On aurait beaucoup profité d'un congé de plus. Ouais, là. Surtout avec les effectifs réduits. Là. Ben là, on est à 100% au 100%? Niveau... c'est-à-dire, on est capable d'habiller 20 joueurs, okay. Mais il y a clairement là, des joueurs qui sont pas à 100%. Je veux dire, Alexandre Demers, c'est évident. Francis Charland, c'en a un autre qui est clairement pas à 100%. Puis Luc Lessard, qui voit un petit peu moins de glace aussi. Là, on sait, elle avait subi une contusion au poumon là, après avoir reçu un tir là, du côté de son côté. Donc, allons écouter les commentaires de Jacques Laporte suite à ce match. Oh, il a demandé de nous parler de Félix Le Chat Petit. Un gars qui a gagné, c'est un gars qui sait les moments qui sont importants émotivement, contrôler son émotion puis être sûr de venir la gérer. Donc, dans ces moments-là, il a pas eu cette chance-là cette année, dans le sens où il cherchait, il devenait un petit peu découragé. On a essayé de l'encourager parce qu'il travaillait tellement fort, c'est un modèle exemplaire au niveau de l'éthique de travail. mais quand ça compte, il est là. C'est important. Mais là, tu dis que l'équipe s'est trouvée une identité. Est-ce que l'équipe, tu parlais de Félix, s'est aussi trouvé un leader, là? Oui, c'est clair. Mais tu sais, notre identité, là, c'est comme on est en maternelle avec ça, là. On l'a, là, mais on a de la misère à réajouter. Ils rentrent trois nouveaux gars dans le line-up mercredi, vendredi, puis là, oups, on est un petit peu, c'est-à-dire hier, on est un petit peu shaké avec ça. On se repositionne avec ça, un défenseur de plus, deux avant de plus. C'est encore fragile au niveau de notre identité. Faut être conscient de ça. Et il faut revenir encore plus à la base. Et ça, revenir à la base, là, des choses efficaces, mais simples pour des joueurs de hockey, là, c'est toujours à recommencer pour un entraîneur. Parce que c'est comme s'ils veulent pas endosser ça. Ils veulent toujours essayer d'en faire un petit peu plus. Alors que, regarde, c'est pas vrai. Alors, c'était Jacques Laporte qui nous parle. Bon, il nous parlait de Félix Petit, mais il nous parlait de faire les choses simples du côté des Patriotes. Et je pense que ça sera l'attitude à adopter au plus rapidement si on veut se rendre plus loin en série. Parce que là du côté de la prochaine série, ça va être pas mal moins une équipe pas mal plus difficile que Concordia à jouer. Bien faire toutes les petites choses. Je sais pas si tu te souviens le match qu'on avait couvert, notre premier match web diffusé qu'on avait couvert contre, ouais, McGill, la défaite de 4-0 contre McGill, qui semblait être un peu le moment où les Pats ont décidé de se remettre à jouer en équipe, puis justement de bien faire les petites choses. On avait vu dans cette défaite-là, les deux premiers trios là, qui faisaient rien qui vaille en tentant d'amener la rondelle dans la zone adverse, alors que le troisième trio, le trio d'énergie, on en parlait, envoyait la rondelle dans le fond, allait la chercher, essayait de... faisait quelque chose en territoire adverse. Puis après ça, ben, à partir de ce match-là, on a vu justement là, que les Pats ont commencé à travailler plus fort, puis à s'assurer... peut-être aussi du deuxième rang, à vouloir s'assurer du deuxième rang en série. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis ce match-là. Une d'elles, c'est la formation du trio Breton-Bellavance-Jonca, ouais, qui, alors qu'on a tellement cherché des combinaisons durant la saison pour faire marcher certains trios, je pense que c'est une totalement inespérée qui est arrivée, qu'on n'aurait même pas cru, même pas su mettre en place, et ça a été un succès. Donc, la prochaine série, ça va être contre les Ravens de Carleton. On le sait, c'est la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées. Ça a été, il y a eu un petit peu de brasse camarade. Jacques Laporte, qui avait été suspendu, on lui avait tiré une rondelle au bas des Patriots, là, du côté d'un joueur des Ravens. Ça touche Laporte, il la ramasse, ça relance. Il y avait eu un peu de brasse camarade aussi. Demers, assis sur le bout du banc, il avait fait perdre la tête aux Ravens. Ce sera pas une série facile parce que, justement, les Ravens sont du genre à bardasser, sont du genre à pas se laisser intimider. Au contraire, ils jouent l'intimidation. Et ça sera pas facile. Ils ont des excellents joueurs à l'attaque, entre autres. Donc, on va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte sur cette série. Avec ce qui s'est passé la dernière game contre Carleton, ça va partir tout de suite avec beaucoup d'émotions. Oui. Ben, le dernier match, c'était pas pire. C'est l'autre match de bien, on s'était fait brasser. Ah, donc, il faut s'attendre à une série. La vitesse contre la robustesse, ça va être à nous autres à gérer ça. Je regardais comment ça s'est passé contre Toronto. Là. J'ai jamais vu dans les deux derniers matchs autant de punitions à Carleton. Là, roughing after the whistle. Okay. Fait que ça veut dire que les arbitres ont eu comme mot d'ordre, j'imagine, de puis qu'eux autres, là, c'était comme... Des deux côtés, là, Toronto comme Carleton, c'était free for all, j'imagine. On va regarder les tapes là, demain puis mardi, mais ça va me donner une idée. Mais sûrement, eux autres, écoute, c'est leur façon. Puis ça a fonctionné. Moi, quand ils nous ont battus, c'est l'équipe de l'heure, ça, là, tu sais. Ils ont battu McGill deux fois par blanchissage. Ils nous ont rassés, là, tu sais. On avait pas la peur, mais on s'est fait bardasser totalement. Donc, on a bien réagi, par exemple, la dernière game. Fait que c'est comme ça, il va falloir la prendre. On avait en effet très bien réagi lors de la dernière game entre les deux équipes. Là, comme je disais tantôt, ça avait été une victoire des Patriots 4-1 alors qu'on avait un effectif. On jouait à peu près à 14 joueurs d'attaque, là, donc ça avait pas été facile, mais on l'avait emporté. Le premier match de cette série, c'est le mercredi, ici même au Colisée de Trois-Rivières, à 19h. Les deux autres matchs, je ne peux pas vous dire c'est quand, parce que l'horaire n'est pas encore sorti sur le site de la conférence d'Ontario. Donc, mais j'en déduis... Soit vendredi ou samedi et dimanche. Oui, c'est ça. Vendredi ou samedi du côté d'Ottawa et samedi ou dimanche du côté de Trois-Rivières. On regardera, on spéculera là-dessus. Mes prédictions pour cette série, écoute, ça sera pas facile. J'ai l'impression que les Patriots n'auront pas ce qu'il faut. S'ils se font bardasser solide par Carleton, je pense que ça va se terminer. Probablement en 3. Mais je... Et ou, au contraire, s'ils profitent des avantages numériques puis qu'on on fait mal à Carleton dès le départ, dès le premier match, ça peut justement donner beaucoup de vent dans les voiles des Pats de vaincre une équipe robuste comme ça. Ouais, ben si on réussit, mais j'ai l'impression que ça va être très difficile, ça va dépendre. Toronto a quand même réussi à battre Carleton. Carleton a eu besoin de 3 matchs pour l'emporter. Par contre... Ça va être difficile. C'est ma prédiction. J'ai l'impression que ça va être ça. Écoute, si les Patriots me prouvent que j'ai tort, parfait. Ça me fait plaisir de les couvrir pendant une série, 2 séries de plus. Ouais, parce que là, tu disais qu'il y avait 20 joueurs habillés, mais ça laisse plus grande profondeur en arrière. C'est ça. Il reste pas beaucoup de joueurs. Ceux qui sont là, mais là, on va pouvoir profiter de quelques jours de congé. Je pense que ça va faire du bien. Les joueurs pratiquaient pas aujourd'hui, vont pratiquer demain. Et c'est sûr que c'est pas les entraînements les plus tough. Mais si on réussit à trouver l'identité qu'on avait lors du match contre Carleton, justement, le dernier match de la saison, oui, on a des chances. On a des chances et je suis totalement d'accord avec ça. On a des chances du côté des Patriotes. Ça va, musique, on s'en va écouter Vanessa Parietter avec Le Reflet. Au retour, on parle de soccer des Patriotes. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou! Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. L'inconduite de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie. On va maintenant parler de soccer là, du côté des Patriots. Les équipes disputaient un match en fin de semaine du côté de la saison à l'intérieur. Et du côté masculin, on avait une chance là au premier rang. On se devait de l'emporter contre les Stingers de Concordia. Mais malheureusement, là, du côté des hommes, on n'a pas réussi à gagner. C'est une défaite de 2 à 1, alors que c'est un but là dans les dernières minutes de jeu là, qui a coûté cher aux Patriotes. On avait eu besoin de ce point-là. Donc, du côté des Stingers, les buts vont à l'affiche de Alfred Moody et Claudio Scurali, alors que du côté des Patriotes, le but va à l'affiche de Mouhamadou Bachir Diop. Monsieur Diop, c'est plus simple. Défaite crève-cœur. C'était Vincent Kikoté qui était dans les buts. D'ailleurs, les joueurs des Patriotes Soccer étaient encore au match hier, ont encore perdu la. Fait écœurer un peu les joueurs des Stingers. J'avais parlé. Excuse-moi de te couper, mais ça va être très intéressant contre Carleton. Ah, ouais, les joueurs qui ont un peu plus le sang chaud. Du côté de Carleton, là, ça va être bien. Ouais, ça va prendre un peu de présence. Là. C'était tellement drôle. Et j'adore les joueurs de soccer. Là. Lors du dernier match, ils étaient assis directement en arrière du banc des Stingers. Je peux te dire que tous les gens des Stingers hier étaient assis tout en arrière du banc de l'équipe. Tous les joueurs pas habillés, tout ça, mais avaient laissé une rangée. Dans le genre, venez vous asseoir. Les gars sont pas. Non, ils sont assis comme à côté de l'entrée des joueurs, okay. Juste à côté du gardien d'Orso. Et un moment donné, c'est une des choses les plus drôles que j'ai vues de ma vie. Félix Petit décroche un tir, touche la tête de Maxime Joyal. Joyal est tendu pendant quelques minutes. Vient pour reprendre le jeu finalement. L'arbitre va le voir. Ton casque est cassé. Tu te dois de changer ton casque. Il va changer son casque. Il prend le casque de d'Orso. Et t'as un joueur de l'équipe de soccer qui est déguisé en Jason. Alors, il a un masque de gardien de but avec du sang, puis il y a une barre de métal. Et il va voir d'Orso, il lui tend son masque en disant « Tu le veux-tu? Tu le veux-tu? » C'était une des choses les plus drôles. Donc, félicitations à l'équipe de soccer masculin. Je pense que l'équipe de hockey, vous en doit une là-dessus. Vous êtes là et là, je sais pas. Je veux pas te couper, mais belle réplique de la part des Stingers quand même. T'sais, donc, on va s'installer, on n'est pas méchant nécessairement, on va pas nécessairement vers la provocation, on s'assure que il y a pas de débordement. Je trouve que c'est une bonne idée. Il aurait pas fallu qu'on aille s'asseoir dans la première rangée par exemple du côté des Patriotes. Non, on était donc du côté du classement, Laval est en première position avec 11 points, donc on peut plus rejoindre Laval là du côté des Patriotes. McGill deuxième avec 8 points, l'UQAM troisième avec 8 points et l'UQTR avec 7 points en quatrième position. Par contre, l'UQAM et McGill s'affrontent la semaine prochaine. Donc, au minimum, chaque équipe va faire un point. Sinon, une équipe va faire 3 points, l'autre va en faire un. On espère une nulle du côté des Patriotes, qui, eux, affronteront l'Université Sherbrooke, qui est tout juste à l'arrière d'eux de 1 point. Donc, c'est un match extrêmement important la semaine prochaine. Et on pourrait se mériter la troisième position si on la troisième, peut-être la deuxième position, comme on peut aussi tomber au sixième rang. Si Montréal l'emporte la semaine prochaine contre Concordia et si Sherbrooke l'emporte, donc ça va être primordial la semaine prochaine d'aller chercher une victoire du côté des hommes. Du côté des femmes qui affrontaient eux aussi Concordia, on l'a emporté 2-0 là, dans ce match. Les buteuses du côté des Patriotes, c'est une seule, plutôt Marie-Michelle Lapointe là, qui a compté les deux buts. Du côté des Pats, la victoire va à l'affiche de Stéphanie Rousseau, la défaite à Heinz Mitchell. Du côté du classement chez les filles, l'UQTR est en quatrième position, donc ça va beaucoup mieux pour les filles là, à l'intérieur que ça a été pour à l'extérieur cet automne. Elles sont en quatrième position avec 9 points. Sherbrooke, on l'avance sur eux au troisième rang avec 12 points, donc on ne peut plus les rattraper. McGill en première position avec 16 points, tout comme l'Université de Montréal. La semaine prochaine, bon ben c'est contre Sherbrooke, fait que je dis ne peuvent plus les rattraper, peuvent du moins les égaler. Et j'imagine qu'avec une victoire sur Sherbrooke, aussi au troisième rang. Ben j'en déduis, mais écoute, je connais pas le ce qu'on appelle le tiebreaker, le pour briser l'égalité là. Donc je pourrais pas dire exactement ce que ça va avoir là. Donc du côté des filles, on se devra de l'emporter si on espère se classer bien se classer plutôt et avoir un tirage positif pour les séries éliminatoires et commencer à domicile du côté du Centre Alphonse Desjardins. On s'en va une pause au retour. On va avoir le bulletin de nouvelles et on va parler d'hockey junior majeur de la Ligue d'hockey junior majeur du Québec, les Cataractes qui étaient dans l'Est, dans les Maritimes. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur C'est fou. À l'UQTR, c'est fou dans vos oreilles. Les nouvelles sont une présentation de l'inconduite de parti.com. Chronique, opinion et beaucoup plus. Tout d'abord, dans la LHMQ, les Cataracs rendaient visite aux Titans de la Caddie Barters. Le gardien des Titans, Olivier Roy, a réussi à faire taire l'attaque des Cataracs pour blanchir l'équipe 3-0. Les Cataracs ont perdu 2 de leurs 3 parties dans les Maritimes ce week-end. Du côté de Rimouski, les Maniacs ont défait l'Océanique par la marque de 4-3. Les Whiston peuvent dire merci à Étienne Brodeur qui a inscrit 3 des 4 filets de son équipe. Il totalise maintenant 47 buts cette saison. Au hockey de la Ligue nationale, maintenant, la classique hivernale n'est sûrement pas venue aider le Canadien qui ont perdu 4-0 face aux Flames de Calgary. Les deux équipes ont affronté le froid devant plus de 41 000 personnes hier au Stade McMahon de Calgary. Le voyage dans l'ouest du Canadien commence donc par 2 défaites. Les hommes de Jacques Martin pourront se rattraper mardi lors de la rencontre contre les Canucks à Vancouver. À Edmonton, les Oilers devront construire un nouvel amphithéâtre s'ils veulent garder l'équipe. Tout comme il l'avait dit à Québec il y a une quinzaine d'années, le commissaire de la Ligue nationale, Gary Bettman, a annoncé à l'équipe qu'elle ne pouvait plus évoluer dans l'aréna actuelle. Le bail de location des Oilers prendra fin en 2014. En NASCAR maintenant, c'est un petit nouveau de 20 ans qui remporte le Daytona 500. C'est Trevor Bayne qui s'est vu remporter la course de dimanche, lui qui effectue seulement son deuxième départ en série sprint. Au tennis maintenant, après avoir remporté son premier titre de l'ATP à l'Omnium de San Jose, Milos Raonic pouvait à nouveau aller chercher la victoire alors qu'il affrontait Andy Roddick hier en finale du tournoi de Memphis. Roddick a cependant eu le meilleur en 3 manches de 7-6, 6-7 et 7-5. Raonic doit maintenant mettre le cap sur le Mexique où il disputera le tournoi sur battu d'Acapulco après avoir reçu une invitation spéciale des organisateurs. Et finalement, en sport universitaire, après avoir subi la défaite 5-3 contre Concordia samedi, les Patriotes n'ont pas déçu lors du match décisif hier en éliminant les Stingers en 3 rencontres par la marque de 5-3. Les Patriotes accèdent donc au deuxième tour des séries et devront affronter les Ravens de Carleton. Le premier match sera disputé mercredi soir à 19h au Colisée de Trois-Rivières. Voilà, c'était nos informations de l'inconduite de parti.com. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook. Bonjour, je suis Michael Bonnivard, vous écoutez l'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est présentement 9h43. Il se joint à nous de Shawinigan, de l'hebdo du Saint-Maurice, Jonathan Robert. Ça va bien, Jonathan? Salut, très bien, vous autres? Oui, toujours très bien. Jonathan, les cataractes de Shawinigan étaient en action du côté des maritimes. Écoute, on a décollé, on doit décoller mardi dernier là, du côté des cataractes pour un voyage du côté des maritimes. 4 matchs et on sort de là avec une fiche de 500. Qu'est-ce que tu penses un peu de la performance de l'équipe? Bon, je pense que dans les circonstances, là, c'est pas mal ce à quoi on devait s'attendre. Là, les Sea Dogs de Saint John samedi, c'est loin d'être l'équipe la plus facile à battre. C'est la meilleure équipe au pays, la meilleure équipe du plateau actuellement. Alors, on devait s'attendre là, probablement à ce genre de résultat. Et le lendemain à Batters, ben là, faut comprendre que les Caps en étaient à un troisième match à l'intérieur de 48 heures. Avaient joué vendredi à Moncton, samedi à Saint John, et là, ça menait dimanche à Caddy Batters. C'est pas la formation numéro un au pays, mais quand même, c'est une des excellentes formations de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et puis, finalement, là, peut-être qu'en bout de ligne, les quatre ont manqué un peu d'essence dans le réservoir. Donc, faut pas se fier à ces deux derniers résultats-là pour dire « Ouais, c'est bon, les Cataractes sont une bonne équipe, mais on manque un peu, peut-être, il manque peut-être quelque chose pour aller chercher les équipes de haut de classement. » Ah, assurément pas, là, parce que là, on peut faire la comparaison avec une séquence éliminatoire là. Les 6 matchs en 10 soirs, c'est pas inhabituel en série. Toutefois, les 3 en 3, on n'en verra pas des séquences comme celle-ci. Du côté exemple là, de Batters, j'ai pas leur cap breton, c'est ça. J'ai pas leur calendrier avec moi, mais je suis convaincu qu'ils étaient pas sur un 3 matchs en 3 soirs eux de leur côté. Alors c'est certain qu'à munitions égales, avec autant de jours de repos, aucun doute dans mon esprit que les Caps peuvent rivaliser avec le Titan des Caddy Batters. Maintenant, est-ce qu'ils peuvent rivaliser avec les Sea Dogs de Saint John sur 7 matchs? Permettez-moi d'en douter. Toutefois, est-ce qu'ils sont en mesure de les battre occasionnellement? Je pense que oui. J'ai pas vu l'ensemble du match de samedi. Toutefois, pour avoir discuté avec Éric Veilleux, là, il me mentionnait là que les Cataractes ont eu de nombreuses chances de marquer. Du côté des Sea Dogs, premier but accordé, et ça, j'ai vu la reprise. C'était haut, hein? Les Cataractes, le but était pas bon, et oui, ça nécessitait de la reprise. Là, c'était très haut, là. C'est quoi le processus de reprise? Combien de caméras est-ce qu'on peut utiliser? Je sais pas si tu le sais ou... Aucune idée. Toutefois, okay. comme ça fonctionne, c'est un peu comme dans la Ligue nationale. Alors, du moment où le jeu est appelé sur la patinoire, que ce soit un but accepté ou refusé, ensuite, on va à la reprise vidéo et la reprise doit renverser hors de tout doute la décision qui a été prise sur la glace par l'officiel. Alors, si l'arbitre prétend que le but est bon et que l'angle de caméra n'est pas concluant et qu'on n'est pas en mesure de dire via la reprise si le but est bon ou pas, ben le but va rester bon ou refusé selon le premier appel d'officiel. Alors, le premier but d'ici Dogs était marqué, selon Éric Veilleux, plus haut que la hauteur permise. Les deux autres buts ensuite de Saint John qui ont été marqués là sur des tirs déviés, donc pas grand-chose à faire pour les gardiens de but des Cataractes sur ces séquences-là. Et pour le reste du match, là, rendu avec un pointage de 4 en 1, disons que ça a un peu brisé les reins aux Cataractes. Les Sea Dogs ont marqué 6 buts sans réplique, c'était 6-1. Alors là, à ce moment-là, on pouvait oublier le match chez les Caps. Et là, vraiment, là, tu me parlais tantôt, tu disais difficile de rivaliser contre Saint John's. D'après moi, à peu près toutes les équipes de la Ligue junior majeure du Québec vont avoir de la misère à rivaliser avec Saint John's. Moi, je les ai établis comme favoris et je pense que ce qu'on a vu en fin de semaine, c'est sûr que comme tu dis, oui, il y avait beaucoup de matchs du côté des Cataractes. Tu parlais aussi d'un virus possible là, du côté de l'équipe? Oui, ben ça roule présentement dans le vestiaire. Là. Ça y a d'ailleurs empêché Dave Labrecque de disputer là, pratiquement tout le match de samedi. Le fait de courte présence sur la patinoire seulement en attaque massive à 5 contre 5 n'a pas été employé une seule fois au cours du match. Donc vraiment, Labrecque, Éric Veilleux l'a quand même gardé en uniforme, l'a envoyé à la pointe sur l'attaque massive. Et pour le reste, là, était confiné au bout du banc, là, se sentait vraiment pas bien. Il y a quelques joueurs également là, de l'équipe qui sont pris avec les mêmes mots. Alors finalement, là, ça c'est venu un petit peu ébranler là, la fin du voyage dans les maritimes pour les hommes d'Éric Veilleux. Et tu l'as mentionné, peu de gens là, pourront rivaliser avec les Sea Dogs de Saint-Jean vraiment au cours des 20 derniers matchs. Ils ont 19 victoires et une seule défaite, c'était une défaite en prolongation. Alors vraiment, là, c'est l'équipe à battre au Canada cette année. Hier soir, du côté de Caddy Batters, justement, Labrec n'était pas en uniforme, Sakaris non plus. Défaite de 3-0, le résultat aurait pu être bien différent là, c'est avec la présence de ces deux hommes-là dans l'alignement. Oui, je pense que tu vas être d'accord avec moi de toute façon. Là, je pense pas que tu ailles d'autres choses. Il y avait Vincent Arsenault là, qui était en action. Pas eu de points là, hier du côté de Caddy Batters. On parle beaucoup que ça serait lui qui s'en viendra en retour du premier choix de Caddy Batters pour le prochain repêchage. Peux-tu nous en parler un peu? Ben, en fait, Arsenault, c'est pas le joueur qui va faire le but, le gros but que l'équipe aura besoin tous les soirs. Toutefois, c'en est un guerrier qui va se présenter là, un peu comme Tommy Tremblay le faisait à chaque match avec ses épaules distribuées de bonnes mises en échec. La comparaison la plus facile qu'on pourrait donner aux partisans des Cataractes, c'est Maxime Legault. Okay. Un gars qui va arriver rapidement, qui va donner de bonnes mises en échec, qui est capable de jeter les gants, qui peut marquer des buts. Vraiment, c'est le forward par excellence là, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, vraiment. C'est toute une acquisition, celle de Vincent Arsenault, là, qui passera au Cataract cet été. Alors vraiment, là, bien hâte de le voir à Shawinigan. C'est un gars qui est dans le moule des Cataracts, qui est dans le moule d'Éric Veilleux. Les Cats ont toujours eu un peu cette image-là, une équipe qui travaille fort sur la patinoire, qui donne de bonnes mises en échec et qui se présente soir après soir. C'est l'effort en premier et les performances ensuite. Et puis, c'est un peu de cette façon-là là, que Vincent Arsenault est bâti. J'ai pas ses mensurations exactes là, à portée de main. Exactement. Mais c'est un gros bonhomme. Du côté d'Arsenault, on parle d'un gars de 6 pieds 1, 190 livres. Ouais, c'est ça. Ça dit ce que ça dit. Et puis, lors de ses premières visites à Shawinigan, là, on était venu au coup avec Dylan Donnelly. Et vraiment, on a vu là que au point, il est difficile à battre Arsenault. Il sait se débrouiller. En parlant de ça, Arsenault sera peut-être pas déçu de quitter Caddy Batters. 1485 personnes seulement hier au centre régional Casey Irving. Ça va toujours pas mieux là, malgré une bonne équipe là, du côté de Caddy Batters. Et la situation s'en vient de pire en pire, là. On a dit qu'il n'y aura pas de déménagement cette année, mais ça tire de la patte. Et l'an prochain, je pense pas que la formation va être aussi bonne que cette année, là. Non, définitivement. C'est pas seulement Arsenault qui va quitter Batters, mais l'équipe au grand complet, c'est fini comme ça. tu l'as mentionné, du côté de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, on dit qu'on n'a eu aucune demande officielle là, de déménagement pour l'an prochain. Toutefois, Yogi Morissette qui a confié au confrère Steve Turcotte là, que pour lui, la date butoir pour la demande de relocalisation n'importait peu. Alors, est-ce qu'on a peut-être déjà une entente secrète et qu'on veut pas le mentionner pour pas faire fuir justement les quelques fans qui restent? On peut se poser la question. Ah ben écoute, je suis très d'accord avec toi. Là. Ça serait pas étonnant de voir un déménagement. On parlait beaucoup de Saint-Jean's, hein? Oui, effectivement, on parlait également là pour d'autres franchises là, des villes de Sherbrooke entre autres là, et de Summerside. Alors à ce moment-là, si ça fonctionne pas avec Saint-John, est-ce que Sherbrooke pourrait reviser ses plans et demander justement à Léo Guy Morissette de déménager là, sa formation là-bas. Ça reste à voir, il y a quand même trois villes intéressées présentement à acquérir une formation de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On parle d'un coût d'environ 2 millions actuellement pour acquérir une franchise. Et du côté de Sherbrooke, là, le groupe qui est dirigé entre autres par Stéphane Robida. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner cet été, à savoir là, si finalement il y aura une équipe qui déménagera ou pas, bien qu'actuellement, là, on doit le mentionner, il n'y a aucune demande qui a été faite à la Ligue de hockey junior majeure du Québec et la date limite est passée. Ce serait le fun de revoir une équipe à l'autre bout de la 55. Ah ben effectivement, ça a toujours été là de belles rivalités pour les partisans parce qu'il faut comprendre que c'est pas tellement loin non plus là. Il y en a qui suivent les Cataractes de près lorsqu'ils vont à Québec, à Montréal, à Victo, à Drummond. Ben ça serait une destination de plus pour eux là. Et puis selon moi, c'est toujours plus présent d'affronter une équipe d'une ville que tu connais bien, d'une ville qui est à proximité, que d'affronter une équipe comme les Maniacs de Lewiston. Ouais, puis j'en parlais même à Dominique Ricard l'autre fois qui me disait que ça serait très positif, puis il me le disait à terme détourné un petit peu, mais on voit qu'au niveau des guichets aussi, ça serait très positif parce que, comme tu parlais, les gens se déplacent énormément et c'est beaucoup moins dur de remplir la bâtisse dans ce temps-là. Effectivement. Eh bien, je te remercie beaucoup, Jonathan. Alors, vous souhaitez une bonne semaine. On peut te lire sur lebdo-de-saint-maurice.com. Oui, lebdo-de-saint-maurice.com, la section cataracte, bien sûr, tout ce qu'on vient de discuter, là, qui est déjà en ligne sur les comptes rendus des matchs du week-end. Alors, c'est d'heure en heure à mesure qu'il se passe quelque chose. D'ailleurs, vous dire que l'ancien gardien de but des Cataractes, Timo Pellmeyer, a fait son premier départ professionnel, ou plutôt c'était pas un départ, est venu en relève là, samedi. Ça n'a pas été facile, défaite de 9-2 des Ducks d'Anaheim, mais bon, c'était une première présence dans la LNH pour Pellmeyer. Les premières fois, c'est jamais facile. Bonne journée, Jonathan. Tu m'en ouvres une facile, là. Ah, mais je sais. Bon, on va s'arrêter là-dessus, on est en nombre. Ouais, c'est ça. Salut. T'as assez à toi. Salut. Jonathan Roberge, toujours beaucoup de plaisir avec Jonathan, là, même sur la galerie de presse, on s'esclaffe, bien sûr, seulement entre les périodes pendant le match, c'est du sérieux. Hey, on va parler justement, je vais vous dire un peu ce qui s'est passé là, du côté des pointeurs hier soir face au Titan d'Acadie Batters. Ben, c'est un match qui s'est terminé 3-0 là, en faveur du Titan, pas beaucoup de choses à dire, sauf justement, les buts de Jordan Murray, là, son 5e, Jonathan Lessard en deuxième période, son 31e plutôt de la saison en désavantage numérique, et finalement Yoann Pinette l'a suivi. Quelques 3 minutes plus tard, celui-ci a enregistré son 14e de la saison. La défaite va à l'affiche de Gabriel Girard là, qui a tout de même arrêté 32 des 35 lancés là, du côté des Cataractes. Son opposé, Olivier Roy, a blanchi bien sûr les Cataractes, 30 arrêts sur 35. C'est quand même correct. On vient avec 4 points là sur une possibilité de 8 du côté des Maritimes. Si on compte le fait qu'il y avait un virus, si on compte le fait, bon, tout ça, je pense qu'on peut se dire satisfait là, du côté des Cataractes, qui occupent présentement le 6e rang de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ceux-ci ont 77 points avec 58 matchs de jouer. Ils sont à un point justement du stade d'Acadie Batters, qui ont un match en main sur eux. C'était un match de 4 points là hier définitivement, donc c'est une défaite qui est dure à accepter. J'aurais été curieux de voir aussi si on aurait affronté Acadie Batters plus tôt dans le voyage, que ça aurait pu donner. Peut-être à la place de Cap-Breton mercredi dernier, ça aurait été très différent. Donc, on est 5e du côté d'Acadie Batters. Ils sont devancés par Drummondville à 83 points, tout comme les Remparts de Québec. Le Junior de Montréal à 90 points commence à monter le classement là, et à solidifier son avance sur les Remparts au 3e rang. Et les Sea Dogs de St. John's à un seul point de la barre des 100 points, alors qu'ils ont 56 matchs de jouer. On devrait se rendre assez loin là du côté des Sea Dogs. Dans les autres équipes qui nous intéressent, les Tigres de Victoriaville sont toujours au 9e rang de la Ligue avec 66 points. Et Drummondville, ça je l'ai dit, sont au 4e rang. Du côté des marqueurs de la Ligue junior majeure du Québec, c'est toujours Philippe-Michel DeVos, le joueur des Olympiques de Gatineau, qui est en tête avec 94 points. Et il est aucunement inquiété. En deuxième position, c'est Jonathan Huberdeau avec 86 points. Sean Couturier vient au troisième rang avec 85. Et Gabriel Lévesque, au quatrième rang avec 84. Le premier Shawiganet qu'on peut retrouver dans cette liste, c'est bien sûr Dave Labrec avec 65 points. Il est à égalité avec Michael Bournival. Plutôt, non, j'ai mal regardé ma ligne. Je regardais celle de Jacques-Gabriel Pajot. Bournival est à un point de Labrec. Dans un autre match qui nous intéressait un petit peu, là, samedi, match le plus récent là, pour les équipes de Victoriaville. On affrontait l'Océanique de Rimouski là, du côté de Victoriaville. On se déplaçait du côté du Colisée de l'endroit. Et c'est une victoire en fusillade 4-3 pour les Tigres de Victoriaville. Félicitations à eux. Les buts dans ce match, Yannick Gourde en première période. Jared Strothers qui a connu un très bon match là, du côté de Rimouski. En tir de punition en deuxième période, il vient mettre la marque 1-1. Benjamin Liberté fait ça 2-2, mais en fin de deuxième période, c'est Jared Strothers en avantage numérique, son deuxième du match. Et en troisième période, Étienne Boutet du côté de Rimouski. Et alors qu'il restait presque 1 minute 9 là, à la troisième période, Samuel Groux vient remettre les équipes à la case départ. Alors avec son 7e de la présente campagne. Et en fusillade, Brendan Hines a scoré, oui, j'y vais pour l'anglicisme, c'est solide. Brendan Hines qui compte un but, et c'est ce but-là qui est le but gagnant. Là, de l'autre côté, Antonio Mastropietro a tout arrêté. Non, plutôt David Andzik, c'était bien sûr, c'était David Andzik qui était dans les filets du côté de Victoriaville, qui a tout arrêté. Et je vous parlais qu'il y avait eu un bon match. Strothers récolte la première étoile, Andzik la deuxième, et Morgan Clark la troisième étoile. Donc, c'est pas mal ce qui conclut pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec. On va maintenant, je vous parle rapidement là, du hockey en Mauricie. Tout d'abord, là, du côté des Dragons du Collège de la Flèche, on est en action deux fois cette fin de semaine. Vendredi contre le Cégep André Laurando, grosse victoire 4-2. C'était pas des puissances qu'on affrontait, mais on se devait de l'emporter justement. Une victoire de 4-2 là, du côté du Collège de la Flèche. Et hier, du côté du Cégep Lionel Groulx, c'est une victoire de 5-3. Du Collège La Flèche. Donc, deux victoires dans cette fin de semaine. Ce qui fait qu'au niveau du classement, là, je vous donne ça dans quelques secondes. Le classement de la Ligue de hockey collégiale du Québec. La Flèche est présentement au troisième rang avec à égalité avec Saint-Laurent, qui ont toutefois un match de plus de disputer. Et devant eux, Saint-Laurent, plutôt Saint-Lawrence, Champlain-Saint-Lawrence à Québec, a un point d'avance et Sorel-Tracy qui, eux, ont plusieurs points d'avance avec 44 points. Ils ont donc 8 points d'avance sur les Dragons du Collège de la Flèche. Du côté des marqueurs, Alex Poirier, le meilleur joueur de la Ligue présentement, c'est lui qui domine avec 48 points en 28 matchs. Alex Poirier qui est un joueur des Dragons du Collège de la Flèche. Je parle maintenant de hockey du côté du Caron-Aiguet. Ils étaient en action hier. On a disputé deux matchs du côté du Caron-Aiguet contre les Isotopes Thermiques de Ted Firmans. Alors qu'on l'avait emporté, c'était une série aller-retour. Après l'avoir emporté 4-3 vendredi à Ted Firmans, donc c'était l'équipe de l'Admiante qui se pointait hier à Trois-Rivières. Et ils ont pris leur revanche, leur vengeance avec une victoire de 5-2 du côté des Isotopes Thermiques. Les buts dans ce match, Ted Firmans deux fois en première période, Sébastien Courcelle et Simon Courcelle. J'en déduis que c'est des frères, là. Je vais y aller quand même safe, là. J'en déduis que c'est des frères. Donc, ils donnent l'avance 2-0 à Ted Firmans. Du côté de Trois-Rivières, Simon Liberté, Maxime Desruisseaux en deuxième période, mais en troisième période, Nicolas Corbeil, Carl Gagné et André Sandrzik. En tout cas, excusez, je l'ai probablement débaptisé ce matin. dans un filet désert, son huitième de la saison. Donc, au niveau du classement, là, présentement, du côté de la Ligue nord-américaine de hockey, on glisse au troisième rang là, du côté du Caron-Aiguet suite à cette défaite. Ils sont devancés par un point par Ted Firmans, justement. Et Saint-Georges-de-Beauce, toujours premier, avec une bonne avance, pas trop à s'inquiéter de leur côté. Et du côté des Estacades de Trois-Rivières, on va amorcer les séries la semaine prochaine. Les Estacades vont affronter le Collège Charles-Lemoyne lors de la première ronde. Donc ça va être le premier duel. Trois-Rivières qui va être l'équipe visiteur dans cette série. Alors les 15 équipes de la Ligue d'Hockey Junior, la Ligue d'Hockey Midget 3 font les séries. On nivelle par le bas là, dans cette ligue-là. Alors pour avoir un nombre pair de séries, on se devait avoir 14 équipes. Hein? Donc, on a donné une passe gratuite aux Commandeurs de Lévis qui, eux, ont remporté le Challenge Midget 3 Reebok en décembre dernier. Donc, accèdent automatiquement en huitième de finale. Donc, ça va être simple pour vous. Ça va être à suivre là, du côté du site Midget 3. Hey, une petite critique là, du site du Midget 3. Là, c'est pas côté... on utilise ce qu'on appelle Scorekeeper, qui est un logiciel pour les matchs. Là. C'est très difficile de voir le calendrier. Et souvent, quand tu écris Midget 3 là, sur les internets, sur Google, tu vas tomber sur le site d'RDS avant de tomber sur le site de la Ligue Midget 3 du Québec. Ça serait peut-être quelque chose à améliorer du côté de la Ligue. Qui est site officiel qui est LigueMidgetAAA.ca. Ouais, c'est ça. Là. Donc, si tu dis là, honnêtement, j'en ai aucune idée. Je tombe tout le temps sur RDS et j'obtiens l'information que j'ai besoin sur le site d'RDS, donc je me pose pas trop de questions. Ça va être pause au retour. Philippe Doucet défend sa chronique soccer. Vous êtes à l'écoute. Non, quoi? T'avais rien préparé? Ben, les matchs sont demain et mercredi. Ben oui, mais on est lundi. Ben oui, tu veux que je fasse quoi? Que j'appelle les gars de la Champions League pour leur dire de jouer demain? Bon. Dis-moi là, au moins. Là, déjà... je te l'ai dit la semaine passée, Nicolas. N'écoutais pas. Bon, ben, on va parler de NASCAR, ouais, on va parler de tennis après la pause. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! C'est fou dans vos oreilles. ça donne quoi de se brouiller le cul, ça donne quoi de s'entretuer. De toute façon, tout le monde sur Terre quittera un jour cet univers. La seule façon d'y échapper, c'est de déjouer la réalité. On ne fait pas tout ce qu'on veut, on ne fait pas tout ce qu'on aime, mais on fait du mieux qu'on peut, on récolte ce que l'on sait. Bon, non, on ne fait pas tout ce qu'on veut, on ne fait pas tout ce qu'on aime, mais on fait du mieux qu'on peut, on récolte ce que l'on sait. Le monsieur que l'on appelle le bon Dieu va décider que de même, après avoir mangé des humilités dans mon petit veston bleu, tu serais frappé par un train. T'auras beau fermer un petit peu, tu pourras te payer sur Bible. C'est ce qu'on appelle le destin. Mais même si c'est scandaleux, ouais, moi je m'en vais sous le pied. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends. Oui, écoutez, moi, l'hymne national! L'inconduite de partie. Vous êtes à l'écoute de la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. Il est présentement 10h09 et à la météo, là, du côté de Trois-Rivières. Faut faire du temps, on n'a pas de chronique soccer. Fait que... Alors, il fait présentement moins 11 là, du côté de Trois-Rivières et je me fous du facteur éolien ce matin. Moins 11 là, du côté de Trois-Rivières et demain, là, on annonce moins 15, toujours ensoleillé. Par contre, un beau petit soleil là qui va nous faire du bien. Ça pourrait aller jusqu'à moins 6 demain après-midi. Là, un maximum de moins 6. Et pour les prochains jours, c'est ensoleillé jusqu'à jeudi où on annonce nuageux avec quelques flocons. Par contre, ça a le temps de changer. On le sait, les prédictions météo, c'est pas très fiable. C'est aussi fiable qu'une déwoo. N'est-ce pas, Philippe? Oui. Ben, écoute, je suis obligé de dire que jusqu'à présent, elle fonctionne très, très bien. Fait que, c'est bon, une petite erreur comme ci, comme ça, là, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Moi, j'y en veux pas, en tout cas. J'y en veux pas à ton char. De toute façon, tu l'as fait donner? Ah, tout près, là. Bon, gars. 300 piastres. Bon, gars. Vite de même. OK, hey, on va parler de NASCAR. C'était le début de la saison hier là, du côté de Daytona, la fameuse course de Daytona. C'est fort pareil du côté de NASCAR parce qu'on commence la saison avec la course la plus prestigieuse de toutes. Beaucoup plus prestigieuse. Je pense que c'est la deuxième course la plus prestigieuse aux États-Unis de tout ce qui est course. À part le, bien sûr le 500 000 d'Indianapolis là, qui vient remporter la mise, mais plus partant que ça. On s'entend là. Donc on commence avec ça et c'est Trevor Bayne. Ouais, un petit nouveau. Un petit nouveau, le jeune Trevor Bayne, à l'âge de 20 ans, qui a remporté la course. Une course qui a été très spectaculaire et remplie d'émotions, là, vraiment. Là, on a eu droit à... j'ai malheureusement pas réussi à pogner la fin, là, mais on a eu droit à deux reprises, ce qu'appelle le white-green checkered, là, c'est-à-dire tu pars, puis s'il y a jamais des accidents, ça se termine comme ça, là, dans lequel Dale Earnhardt a été sorti. Écoute, Marc-Antoine, on a repavé la piste entièrement là, du côté de Daytona cette année. C'était la première fois depuis 1979 qu'on repavait la piste. Ça a amélioré la vitesse des... Ça a amélioré la vitesse, mais c'est surtout que ça a tout changé au niveau du comportement des voitures. Tu sais, en F1, là, on repave un circuit, ça passe dans le vide. En F1, c'est tout le temps l'aérodynamisme, c'est tout le temps des petites affaires sur la voiture qui vont venir changer quelque chose, mais que de toute façon, ça en fout parce que le gagnant va gagner par 10 secondes d'avance, puis il va avoir à peu près 6 dépassements dans la course. Oui, puis s'il sort au puits, puis au bon moment, il est assuré de gagner la course. En fait, la F1, elle se gagne sur le départ, puis c'est zéro puits. Oui, exactement. Okay. Donc c'est ça. Tandis qu'à NASCAR, là, hier, j'écoutais de ce que j'ai pu. J'ai réussi à pogner à peu près la moitié de la course. De toute façon, on s'entend qu'une course de NASCAR, faut être un peu maniaque là, pour pogner ça, pour pogner les 4 heures de course au complet. Pour l'écouter là. Du début à la fin. Faut être tout maniaque. À la fin, ça va, mais l'entre-deux, là. Je pense que les 50 premiers tours puis les 50 derniers c'est tours, ça donne un bon spectacle. Et j'adore la présentation qu'ils font à RDS. J'adore... souvent c'est Scranton, Descarry, mm-hmm. On va retrouver Dominique Fugère aussi, qui font un très bon travail. C'est un des sports que je préfère écouter à RDS par rapport à la chaîne anglaise là, dans ce cas-ci. Oui, je dois t'avouer que j'étais pas un grand fan de NASCAR avant de commencer d'animer l'émission ici, que j'essaie d'écouter ça un peu puis de suivre ça. C'est impressionnant pareil parce qu'à F1, comme tu dis, le gagnant va gagner par 10 secondes, mais là, ça roule à je sais pas, la vitesse à peu près. Hier, je pense que c'est un dixième de seconde de différence. Non, mais pour la vitesse des voitures en général, ça roule quoi, 300? Ben écoute, ça, à 1000 à l'heure, on touchait à peu près 200 000 à l'heure hier, donc traduit ça en kilomètre heure, ça fait à peu près 220. C'est à quoi? C'est à 5 pouces de bumper à bumper, ça tourne. C'est tellement proche là, que... Ah ouais, c'est impressionnant, vraiment. Ben, là. Ce qu'on appelle du bump and draft, c'est-à-dire... que pour aller chercher de la vitesse, tu rentres dans le gars en avant. Ouais. Parce que quand tu es en arrière, toi, tu vas automatiquement avoir plus de vitesse, donc tu vas venir rattraper. Mais si tu viens donner, ça, c'est une stratégie. C'est pas. Mais il y a eu quelques accidents hier, là, justement, qu'on est venu pour faire du bump and draft, puis on s'est mal aligné. Et on a envoyé notre coéquipier, ou du moins le partenaire du moment, dans le mur ou de côté. Parce que ça, c'est une autre stratégie. Quand t'es dans une courbe, tu réussis à coller le gars assez. Tu lises sa draft, c'est comme ouais, on peut dire. Ouais, mais c'est que l'air entre les deux voitures va disparaître et ça fait décrocher derrière de l'autre voiture, ce qui le ralentit, ça te permet de dépasser. Autant en Formule 1 que c'est la vitesse avec laquelle tu vas prendre des courbes, autant c'est la vitesse avec laquelle tu vas négocier un virage, autant qu'en NASCAR, c'est toutes des petites choses stratégiques qui se passent à quelques centimètres de différence qui font que tu finis premier ou dernier. Et de distance entre les deux voitures. Tu vois, c'est très intéressant ce que tu dis parce que j'avais pas le fait physique de qu'est-ce qu'était l'aspiration. En fait, moi, je pensais que tu profitais justement de l'aspiration de la voiture d'en avant. Ouais, comme quand on suit une vanne sur l'autoroute. En fait, la logique est de... c'est que t'as pas le vent. Tu le ralentis et puis... Ben non, c'est que toi, tu le rattrapes parce que tu... T'as pas la vibration ouais, de l'air, t'as pas le contact la résistance de l'air. C'est ça. C'est correct, ça va. Mais ce que tu viens de dire, là, que l'air en arrière de la voiture s'en va, ce qui le fait ralentir. C'est là, ce que ça déstabilise dans une courbe. C'est ça. Au moment où t'es rendu à l'arrière, OK. Ouais, c'est ça. Mais c'est la combinaison des deux, des deux effets. Au niveau du NASCAR, c'est tout le temps des multiples combinaisons. Ce qui fait que c'est des courses qui, certains diront, bah, il faut juste tourner à gauche. Non. Faut pas que tu regardes ça comme ça au même titre que tu peux pas regarder un match de soccer puis faire, ouah, c'est plus plate qu'un match de hockey, il y a moins de buts. C'est pas pareil, tu peux pas analyser ça de la même façon. C'est plein de petits moments, des petits dépassements. Et c'est ça, hier le fait que, parce que là, tu cours sur Daytona depuis, justement, là, ça avait pas été pavé depuis 30 ans. Donc, tu cours sur Daytona depuis 30 ans, puis t'apprends les notions de la piste est comme ça, tu sais que tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux rentrer à 3 dans le virage, ou tu peux pas, il y a des pistes que tu peux rentrer, t'as la dégâts, tu peux rentrer à 4 dans le virage, là. Check toi à 4, là, parce que si c'est toi qui es sur l'extérieur, il y a des bonnes chances pour toi de va sortir premier, là, c'est ça. Et les pilotes parlaient et vraiment arrivaient. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça allait super bien avant l'arrêt au puits, puis là, ça va plus bien. Ouais, la température va monter un petit peu. Fait qu'automatiquement, la ligne de course que tu prenais est plus bonne. Faut que tu descendes d'un mètre. Faut que tu viennes chercher ci, faut que tu viennes chercher ça. Ça va extrêmement rapide. Et c'est un sport, je trouve, le NASCAR, que quand tu connais le sport, ça devient beaucoup plus passionnant à suivre. Mais faut que tu connaisses ça. Parce que si tu regardes ça comme tu regardes la F1, c'est-à-dire premier arrivé, premier servi, t'auras pas de plaisir. Parce que là, tu fais, ah, ben là, je vais regarder les trois derniers tours. Je vais avoir du fun quand il va avoir l'accident. Parce qu'il y a tout à le Big One qui appelle, là. Hier, il est venu quand même tôt, là. C'est à peu près au 30e tour qu'il y en a eu un gros accident, là, qui a sorti quelques pilotes. Et dont, si je me trompe pas, Jimmy Johnson, là, le champion depuis, 4 ans, 5 ans, là, Jimmy Johnson, là, je ne sais plus par cœur, qui est très, très fort. Mais là, du côté de Trevor Bayne, wow, il a donné la première victoire à l'équipe Wood. L'équipe Wood, là, qui est une des plus vieilles équipes là, du côté de NASCAR. Et qu'on est venu là, on est venu aller chercher la victoire là, de son côté. Et il a écrit l'histoire, dans le fond, Bayne, parce que c'est le plus jeune pilote à avoir remporté le Daytona 500. Quand il a traversé la ligne, la première chose qu'il a dit, c'est « Am I dreaming? Est-ce que je rêve? » Surtout que c'était son deuxième départ en série sprint. Là. Félicitations pour le jeune. Ah, vraiment, là. Vois-tu, là, ça datait de 2001, là, la dernière fois que l'équipe Wood Brothers avait remporté une course de NASCAR avec Elliott Sadler à Bristol. Bristol qui est totalement le contraire comme piste. Que Daytona, alors que Daytona est un super speedway, 2,5 000, ça veut dire quand même pas loin de 4 km, là, 2,5 000. Bristol, c'est 500 mètres, là, ça va, 500 000, non, 0,5 000, excusez. C'est court, c'est très court, Bristol, c'est une piste qui est passionnante à voir parce que ça course pas direct, ça course aucunement de la même façon, là, du côté de Bristol. Et donc c'est ça, et du côté de NASCAR, c'est bon. le site de, ce qui est drôle, c'est que le site de Bane est encore marqué comme avenir. Fait qu'imaginez toutes les visites, tous les visiteurs qui écrivent Trevor Bane. Parce que là, je suis pas mal sûr, si tu vas sur Google aujourd'hui puis tu cherches le mot qui est le plus cherché, Trevor Bane doit être assez haut placé et ça mène sur un site vide. Donc, ça, c'est quand même un peu drôle. Hey, d'autres choses que j'ai remarqué, là, qui parlait en NASCAR, ce qui est le fun en NASCAR, là, c'est que Philippe, mettons, là, toi, tu courses dans une série ARCA, mettons, là. Une série qui est plus basse au niveau du niveau. Mais t'as tes cartes, si je peux dire en parenthèse, pour courser sur un circuit Super Speedway. Dans ce cas-ci, mais même n'importe quelle piste, tu peux très bien arriver avec ta voiture et dire, je vais essayer de me qualifier. Tu peux. Ma coréenne passerait pas. Pas ta voiture là. Je veux dire, la voiture que t'aurais, là. Mettons, à Trois-Rivières, un Jean-François Dumoulin peut très bien arriver avec à 10. Avec sa voiture. Ouais, Jean-François Louis-Philippe peuvent arriver puis essayer de se qualifier. Et il y a un pilote, le nom m'échappe, là, malheureusement, là, mais il y a un pilote qui est arrivé, pis, comme je dis, Daytona 500, c'est le granddaddy of them all, là. C'est la course par excellence, là. Tu peux très. Il est arrivé avec un auto, un set de tires, juste assez de gaz pour faire la course. La qualification, par exemple, excusez, a réussi sa qualification, se classe pour la course avec son set de tires, avec juste ça, juste ce qu'il pouvait avoir. Et à partir de là, c'est j'ai réussi à me classer. Ah ouais, on cherche un sponsor. C'est trouvé un sponsor quelques heures avant le début de la course. On fait les collants, on colle ça, prêt à partir. Mais c'est pas ça un peu la difficulté des coureurs, justement, de trouver un commanditaire, de trouver quelqu'un qui va. Ça dépend. L'argent. Regarde, Jacques Villeneuve avait eu beaucoup de difficultés, justement, avec ça. Puis on parle quand même de Jacques Villeneuve, là, champion du monde de F1. Là. Ouais, ça dépend. Ouais, mais t'es aux États-Unis. Mais le gars est quand même champion du monde de F1. Je sais, mais que tu sois champion du monde en F1, ça a autant de valeur pour le monde de NASCAR que tu sois champion du monde sur terre battue. Mais. Ça va être chaud. Pourquoi là, on fait tout pour les gens qui sont pas habitués, on fait bah, voyons, on t'a battu, ça n'a pas de sens. C'est que t'es pas dans le même monde. Je suis champion. Tu sais conduire une voiture, là. Tu connais la vitesse, tu connais l'aspiration, tu sais c'est quoi une ligne de course. Tu sais conduire une monoplace. Oui, mais en tout cas. Je comprends ton point. Il faut quand même donner du mérite à quelqu'un qui finit numéro 1 au monde en F1. Ouais. Même si. Ce qu'il veut faire après, c'est conduire un Chevrolet and Dodge. Là. Sauf que gaz. Il veut bien américaniser le monde, là, mais il y a toujours des limites. Là, ça dépasse toute question de timing aussi. Je pense pas que Villeneuve est arrivé de la bonne façon aussi en NASCAR. Avant encore Craig Pollock qui jouait dans ses. Tout ça, puis il a pas été chanceux. Tandis qu'à l'opposé, Jean-Paul Lamontagne, lui, quand il s'est. Juan Pablo Montoya, là, Jean-Paul Lamontagne, quand il est arrivé en NASCAR, a réussi. Elle est bonne, hein? Elle est excellente. Je la dois à Dominique Fugère. Ah, félicitations, M. Fugère. Copyright. Quand il est arrivé à NASCAR, il est rentré de la bonne façon. C'est-à-dire, il a réussi à s'intégrer à une équipe. Quitte à pas faire un gros salaire, quitte à vraiment intégrer alors la vie. Ce que Villeneuve voulait, c'était sa propre équipe. Mais pas tout à fait, mais c'est Pollock qui voulait ça. Puis Pollock va avoir détruit la carrière de Jacques Villeneuve, malheureusement. Et là, il est probablement trop tard pour Villeneuve. Honnêtement, il est trop tard. Je pense pas qu'il va pouvoir se classer nulle part. Il va venir faire la course à Montréal. C'est bien cute. Il va aller faire quelques courses à travers la planète. Il va faire le 24 heures du Mans. Ce qui est cool. Peut possiblement s'acheter une écurie en F1 qui, dans laquelle il ne courrait pas. Mais Je pense pas. Mais écoute, si Villeneuve peut sauver sa carrière en devenant un propriétaire d'écurie, ça, c'est l'autre chose en NASCAR. Là. NASCAR, c'est alors que c'est glamour, la vie de F1, puis c'est des millions, c'est des constructeurs. Aux États-Unis, le Michael Waltrip, qui est un ancien pilote, a sa propre écurie, course pour sa propre écurie. C'est normal de voir ça. T'as ta propre écurie en sprint, t'as ta propre écurie en nationwide, puis après ça, tu montes, t'as des camions. Les gars coursent dans tous les niveaux. C'est un monde qui est extrêmement familial. Alors qu'en Formule 1, bonne chance pour aller serrer la pince à Michael Schumacher, puis bonne chance pour aller serrer la pince à Jenson Button. J'ai un de mes chums qui était à Daytona, il dit, je me suis retrouvé à discuter avec la femme de Jeff Gordon, je le savais même pas. Il y a quelques années, j'avais gagné une passe pour aller justement aux qualifications du Grand Prix de Montréal en F1. Puis on avait accès justement au paddock, là, à l'époque où on n'avait pas accès au paddock. Là. Okay. L'an dernier, je pense que c'était libre accès. À l'époque où j'y suis allé, on n'avait pas accès. Puis les pilotes étaient cachés derrière des paravents. Ah ouais, du moment qu'ils se déplaçaient, il y avait des gens avec des parasols, en fait, pour les cacher de la vue des gens. J'avais trouvé ça un peu ordinaire. Puis c'est à la même époque où Jacques aussi avait quitté la F1. Puis bon, donc ça m'a fait vraiment décrocher de la F1. Mais j'ai jamais vraiment trippé sur le NASCAR parce que bon, des chars qui virent en rond, ça m'énerve. J'aime beaucoup mieux voir du NASCAR, un circuit routier. Ça, j'adore. Mais n'empêche que je trouve quand même que les gars qui conduisent une F1 savent conduire. Ah oui, ça encore c'est... Encore plus aujourd'hui qu'il y a une certaine époque où c'est la voiture qui conduisait elle-même. Maintenant, justement, on enlève beaucoup de pilotes automatiques, entre guillemets. Là. Donc, on donne plus de liberté au... Mais vraiment, je trouve que l'aspect spectacle est là en NASCAR. Mais tu sais, oui, il y a beaucoup de tours, puis tu peux te tanner assez rapidement, mais d'un autre bord, à 60 tours en F1, tu peux te tanner assez rapidement quand c'est le même gars qui mène, puis tout ça. Puis, mais... pour avoir fait une petite séance de go-kart, là, assez... tu sais, un bon go-kart. Là, go-kart qui va assez vite, là. Juste pour en avoir fait une fois, tu te dis, oh, que les gars sont plus solides que moi. Faut l'avoir essayé, ne serait-ce qu'à cette mini-échelle-là, pour comprendre un peu là, tout ce que ça peut impliquer une course de voiture. Ben, j'ai fait du go-kart cette année, cet été. On est arrivé à la piste de Saint-Hilaire là, sur la rive sud de Montréal, qui est une piste qui est utilisée par le championnat québécois. Là, pas une petite piste intérieure. T'sais. Puis on nous embarque là-dessus, on fait une course, et excité comme des enfants, moi et mes amis. Bon, il retourne! Et il se met à pleuvoir, mais pas pleuvoir un peu, là, une grosse orage. Et on avait déjà payé, on va aller se faire rembourser. Et le gars de la piste nous regarde et nous dit, ben, ça peut se faire en dessous de la pluie aussi. Beaucoup de plaisir. Boy. On a embarqué là-dessus, là, coursé sur de la glace, c'était similaire. Mais là, c'était dégueulasse parce que, premièrement, on s'est tous mis en bédaine. On avait des chiennes de course, là, mais on s'est tous mis en bédaine parce qu'on allait sortir tout crotté. Ah oui. Et l'eau et les flaques d'eau, et c'était sur de la glace, et tu débarquais de la piste dans la bouette, mets la pédale au fond pour essayer de revenir. L'autre en arrière était tout bagadé. C'était magique. Mais je me dis, ça, c'est la base. Imagine que je me fais mettre un vrai go-kart dans les mains. Ouais, et ça reste, même le vrai go-kart hyper rapide, ça reste la base. Ça n'a rien à voir avec toute la puissance qu'un char de NASCAR, qu'une Formule 1 peuvent développer. C'est tellement, même juste avoir la capacité de conduire ça, c'est peut-être 1% de la population qui va pouvoir avoir la capacité. Et là, de tomber dans l'élite, c'est tellement minime. Et tu rembarques dans ta voiture après, puis juste sortir de la cour, juste tourner, juste faire un stop, tes perspectives sont complètement détruites. Tu tournes plus autant, tu penses que t'arrives pas aussi vite. Non, c'est quand même intéressant, là. Les gars sont... sont fort talentueux d'être capables de faire ça à longueur de temps. Ah ben oui, ça, là, totalement d'accord. On s'en va en musique, on s'en va écouter Galaxy avec la chanson Piste 1. On s'est forcé pour ce nom-là du côté de Galaxy. Au retour, on va parler un peu de tennis. Vous êtes à l'écoute de l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou! Un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. Et vous êtes de retour à l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. N'hésitez pas à nous contacter live à commercial@inconduitedepartie.com. Sinon, le site web, blog, je vais ajouter un texte aujourd'hui, texte que j'ai travaillé pendant deux jours parce que je veux en faire... Je voulais que ça soit solide quand même, qui porte sur le possible déménagement, la possible construction d'un aréna pour les Patriotes qui serait situé à Trois-Rivières-Ouest. Et je m'y oppose. Alors, ça va être en ligne d'ici, d'ici quelques heures, même pas. Nicolas, fais ta petite enquête sur le terrain vague, là, situé pas loin du Michel Sarrazin. Parce que ça pourrait être un aspect intéressant. Non, honnêtement, j'ai juste été de mon opinion. J'ai pas fait d'enquête plus qu'il faut, mais vous lirez ça, vous nous enverrez les commentaires, conduitdepartie.com. Hey, rapidement, on parle tennis, Raonic, quel service? Hier, c'était le festival du service contre Andy Roddick. Là. Ouais, les deux joueurs qui ont à peu près le même style de jeu. Roddick était favori, mais par contre, on a vu Raonic qui s'est très bien défendu. Je crois les deux premiers manches, 7-6. 7-6, 6-7. Ouais, 7-6, on est monté jusqu'au septième point de bride d'égalité. Je sais pas comment on appelle ça. Au bride d'égalité du premier set, on s'est rendu à 8-6, gagné du côté de Roddick et du côté de Raonic, le deuxième. On a remporté au bride d'égalité à 11-9, là, à 12-10, là, quelque chose comme ça. 11. Donc, quand même de quoi de très impressionnant. Ah ouais, vraiment le... qui, malgré sa défaite, aurait dû gagner, hein, les gars. Parce que le troisième manche, on a une décision controversée un petit peu. Non, mais même pas. Il n'y aurait même pas dû avoir de troisième manche. En fait, là, le premier set, au bris d'égalité, Raonic a la possibilité de remporter le bris d'égalité. Et malheureusement, là, une erreur non provoquée, hein, si on peut dire, qui donne l'avantage finalement à Roddick. Et Roddick en profite, remporte le premier set. Raonic s'est repris dans le deuxième set. Erreur non provoquée. Ben, en fait, là, un coup qui aurait dû s'avérer gagnant, puis qui a fini. C'est de ta faute. C'est de ta faute. Okay. C'est de ta faute. Là. C'est pas. C'est pas, t'étais à bout de pied, puis tu l'as relancé, mais elle était trop loin. Non, c'est c'était un coup simple et tu l'as sorti du terrain. C'est ça. Okay. Et à la dernière, le dernier set, écoute, il perd 3-1, perd 4-1, Raonic, et ramène ça à 4-4. Ça, et il y a aussi. Faut dire que Roddick est bon pour choquer. C'est un roi de la choquer. Ouais, mais en même temps, il était malade, était aussi blessé à l'épaule, Roddick. Donc, et puis le dernier coup, là, ouais, son victorieux à Roddick, là, ça va passer dans les annales cette année du tennis. Raonic, il a justement dit au micro à la fin de la rencontre. Malgré la défaite, je suis content d'avoir joué cette partie parce que je vais me retrouver sur la vidéo la plus vue de YouTube. Ah oui, c'est certain. Et puis écoute, ça le met au 37e rang mondial. Ouais. Lui qui a commencé 152e au début de la saison. 152-37 en trois tournois. Il arrive de nulle part, le Raonic. Je veux dire, on n'en entendait pas parler. J'avais beaucoup plus entendu parler à son arrivée de Frank Dantsevich que Raonic. Et là, tout feu, tout flamme, Raonic. Disons-le, si, à la puissance de service qu'il y a, s'il n'y a pas de blessure, si tout va bien pour lui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de si, mais on peut regarder ça et dire, on a un modèle de tennis pour les prochaines années du côté du Canada. Si je ne me méprise pas, c'est le premier Canadien à se rendre aussi haut que ça. Ouais, depuis le nouveau classement, depuis le classement par ordinateur. Là, parce qu'à l'époque où le classement était fait à main, il y a un joueur là, qui était monté plus haut que ça, un Canadien qui était monté plus haut que ça, mais dont le nom m'échappe, là, qui c'était l'époque des raquettes en bois et des souliers Lacoste. Il faut pas oublier. Il faut pas oublier le fait aussi que Raonic était à San Jose la fin de semaine passée, donc en deux semaines. Ouais, ben ça, c'est, non, mais ça, c'est l'horaire normal de tennis. Non, mais ça, je sais pas si Roddick a joué la semaine passée. Là, ah, peut-être. Ça, la fatigue a peut-être. Oh, ouais, à 20 ans, là. Ça a duré une heure et demie. Ça dépend, tu peux voir ça d'un autre côté, comme quoi il n'est pas encore habitué à avoir cette... Normalement, tu te fais sortir après deux rondes. Ah, oh, mais écoute, attends, là, c'est le 4... lorsqu'il est allé au... Son deuxième bris d'égalité, c'était son 14e depuis le début de la saison. Le gars a... Ah, il est difficile à briser. Tu sais, le gars a joué des sets, là. Et il est pas... Il est arrivé de nulle part, ok, peut-être un peu, mais pas tant que ça. Là. Je veux dire, il l'a fait de sa marque, là. Puis là, on le voit arriver dans le top 100. C'est pour ça que là, on c'est fait. C'est pour ça qu'on le voit. Mais sinon, il a mérité

Alors, c'était hier le grand événement là du côté de Calgary, la classique héritage, un match à l'extérieur entre le Canadien de Montréal et les Flames de Calgary. Match remporté 4-0 par les Flames de l'endroit. Il se joint à nous directement de justement de l'endroit en tant que tel, du côté de Calgary, Monsieur Jonathan Bernier de Rue Fontenay. Ça va bien, Jonathan? Oui, ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Bonjour, Jonathan. Hein, je me trompe pas, là. Bonjour. T'es bel et bien à Calgary, là? Je suis encore à Calgary, on s'en vient à Montréal, là, sur l'heure du dîner. Ils sont en train tranquillement de te déglacer? Oui, c'est ça. Jonathan, parlant de déglacer, il y avait une équipe parmi les deux qui avait l'air glacée. Faut croire que l'autre, en s'appelant Flames, avait un petit peu plus de chaleur pour eux. Canadien. Ben, ouais. Je sais pas si c'est la chaleur des 40 000 spectateurs, dont plusieurs étaient évidemment de Calgary, ou tout simplement parce que il y avait une meilleure préparation, mais effectivement, là, les Flames sont sortis beaucoup plus forts que le Canadien. Et puis, comme tu dis, là, le Canadien, finalement, avait vraiment l'air gelé en début de match. Ça avait du temps à décoller. En fait, ils ont eu une bonne portion dans la rencontre, je dirais, c'est le début de la deuxième période, où ils ont un peu plus été actifs. Mais même encore là, ils sont pas parvenus vraiment à menacer le filet des Flames. Et puis, ce que j'ai trouvé un peu drôle, c'est à la fin, après la rencontre, quand on est allé interviewer les joueurs, on a vu un peu la différence de la force mentale, je peux dire, là, entre les joueurs, entre les différents joueurs. T'avais d'un côté Benoît Pouliot qui disait que la condition de la glace était horrible, que étant donné que le Canadien, c'était une équipe axée sur la rapidité, sur les habiletés, bien, elle était un peu désavantagée parce que, bon, la glace était mauvaise, j'avais l'impression de toujours s'enfoncer dans la glace, la rondelle était bondissante. Et puis, dans les secondes suivantes, on rencontre Brian Junta qui lui dit, ça n'a aucun... ça a aucun rapport, mais en voulant dire que c'était la glace était la même pour les deux équipes. C'était ouais, pas ben, une excuse. C'était vraiment ça qu'on discutait. Oui, la glace était horrible, mais je veux dire, c'est horrible pour les deux. Je veux dire, la glace du Saddle Dome, au contraire, il n'y a rien qui se passe au Saddle Dome à travers l'année. Fait que s'il y a une glace qui est belle, c'est bien celle du Saddle Dome. Donc, les Flames sont beaucoup plus habitués à ça, là. Au pire, on peut voir ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Ben, en fait, oui, t'as raison. Et puis, l'autre chose, c'est que Janta lui expliquait ça, en fait, en disant la glace était mauvaise pour les deux équipes. La seule affaire, c'est que les Flames ont peut-être mieux joué la condition de la glace. Nous autres, on a comme affronté la glace, tandis que les autres, ils ont fait de la condition une de leurs forces. Ils sont allés au filet, ils ont lancé la rondelle derrière les défenseurs du Canadien. Okay, ils ont pas essayé de petits jeux fancy. Donc, ils se sont dit, on envoie la rondelle au filet, ça va être bondissant, ça se peut que ça rentre, puis ça frappe un patin ou peu importe. Donc, ils sont allés pour la force brute plutôt que la dentelle. Et c'est vraiment ça, là, dans ces matchs-là, peu importe, là, hier c'est encore pire, mais peu importe le match à l'extérieur qu'on a pu voir, keep it simple. Là. C'est ça, c'est le secret. Ça a porté fruit. Hein. 4 buts contre 0. Puis les unités spéciales aussi ont fait une grosse différence. Les Flames ont marqué 2 fois en avantage numérique, 1 fois en désavantage numérique. En plus, il y avait eu une autre chance pendant la même punition à Jay Boumister. Le Canadien était vraiment les deux pieds. On dirait pas les deux pieds dans le ciment, mais les deux pieds dans la glace. Ouais, c'est ça, exactement. tu pourrais pas aller mieux. Donc, match à oublier, là, et présentement, voyage à oublier là, du côté du Canadien. Ben, voyage oublié pour le Canadien, et puis selon moi, ça va être voyage désastreux pour le Canadien, parce qu'on s'en va à Vancouver. Les Canucks à domicile présentent une fiche de 21 victoires, 4 défaites, 5 défaites en fusillade. C'est la meilleure fiche à domicile dans la Ligue nationale. C'est également le meilleur club, là. Ils ont 85 points, donc ça va être une tâche assez difficile, d'autant plus que les Canadiens, dans les 10 dernières années, si je ne me trompe pas, ils ont remporté une seule victoire au GM Place. Donc, d'après moi, on revient à Montréal avec une excellente fiche de 0-3. Mais c'est dommage pour le Canadien qui avait réussi à rejoindre les Bruins au classement avant d'entamer ce voyage-là. Et encore une fois, le voyage dans l'Ouest, peu importe l'équipe, peu importe les joueurs qui sont dans l'alignement, catastrophe du côté du Canadien. C'est toujours désastreux. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas. C'est difficile d'expliquer. Une histoire de décalage. Je pourrais pas l'expliquer, mais je voudrais vraiment leur demander à eux. Puis encore là, quand on leur demande, ils disent « Ah ben écoutez, les statistiques des 10 dernières années, ça nous passe un peu par-dessus la tête parce que c'était pas les mêmes joueurs, puis on s'arrête pas à ça. » Mais tu sais, quand même, c'est là pareil, tu sais. Ouais, t'es quand même pas pour obtenir la vérité des joueurs de toute façon, là. Ben, je suis peut-être un peu... Je sais pas à quoi tu t'attends, là, mais c'est le Canadien de Montréal, tu couvres, là, Jonathan. Avez-vous, je sais pas si vous avez eu la chance de regarder, les gars, mais hier, après le match, on a eu une entrevue avec Alex Tanguay. Et je voyais, moi, un Alex Tanguay complètement différent de ce qu'on voyait avec Montréal. Non, quand il donnait des entrevues avec le Canadien, bon, on le sait, les joueurs sont super stock-up, là, on dit... On dit toujours les mêmes choses, on répète toujours les mêmes choses. Sourire est un péché dans l'uniforme du Canadien de Montréal lorsqu'on est en entrevue. Et là, on voit un Alex Tanguay super relax, encore avec son stock, assis dans le divan de l'antichambre. On est super bien, puis on se permet même quand même de parler à la fois de la Ligue nationale, comment ça va, de son passage avec les Canadiens, de comment aujourd'hui ça va bien. Un joueur du Canadien n'aurait pas eu le droit, entre guillemets, de faire ça, j'ai l'impression. Je trouve ça un peu dommage. Tu es d'accord avec ça, Jonathan? Oui, moi, je suis d'accord avec ça. Puis je pense aussi, c'est pas nécessairement avoir le droit ou pas. Ça joue sûrement un petit peu, mais je pense que c'est surtout la crainte par le joueur de voir ses propos... Déformé, exagéré, c'est d'avoir sa face là dans le sous les projecteurs mais tous les jours. Je pense que c'est peut-être ça un peu qui les rend peut-être mal à l'aise. Il y en a que ça dérange pas du tout, comme Piqué Souban entre autres, qui lui est très à l'aise avec ça, mais il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus réservés. Puis je pense que Alex Tanguay, à la base, a l'air d'être un homme là, je prends la personne et non pas le joueur de hockey, qui a l'air un petit peu plus gêné, donc peut-être le fait d'être à l'extérieur, ça le rend plus à l'aise. Puis des fois aussi, des joueurs, les Québécois surtout, lorsqu'ils rencontrent des joueurs, des médias montréalais, je parle de ceux qui veulent à l'extérieur, sont toujours contents de... C'est un peu comme un retour aux sources, si on veut. Ils rencontrent des gens qui se fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, donc sont plus ouverts à la discussion à ce moment-là. Jonathan, là, on oublie les mauvaises nouvelles du côté du Canadien. On oublie le match, on oublie Alex Tanguay. Parle-nous un peu de l'expérience que tu as vécue là-bas, là, en tant que personne et non pas nécessairement en tant que journaliste. Ben écoute, nous, on est arrivés donc vendredi. J'ai passé trois superbes jours à Calgary. Superbe puis Calgary dans la même phrase. Ben, ça se peut très bien. T'as-tu dit? Je l'ai vécu. Ouais, c'est ça. Je suis là pour en témoigner. Moi, ce que j'ai aimé le plus, c'était personnellement, c'est la journée de samedi où il y a eu l'entraînement des deux équipes puis le match des anciens, parce que les médias, les journalistes écrits comme moi, on avait le droit d'aller sur le aux abords de la patinoire, finalement. Sur le parquet? Sur le parquet, exactement, ringside. On était dans l'action, puis on était à côté des joueurs, puis on voyait vraiment un peu le feeling que les joueurs auraient pendant le match en regardant la l'immensité, si on veut, du stade, là, comparativement à un amphithéâtre. Puis aussi, j'ai eu la chance de rencontrer... moi, je m'étais amené des cartes de hockey. Je fais pour ça avec les joueurs actuels, parce que on les voit tous les jours, fait que c'est un peu moins, comment je dirais ça, impressionnant. Mais je m'étais amené des cartes de hockey de Lanny McDonald, puis de Théorine Fleury, des joueurs qui étaient au sommet de leur forme là, quand j'étais jeune, que j'y vais à la télévision, que je me suis fait signer quelques autographes par ces deux old-timers-là, puis j'étais bien heureux. Et puis, de voir Martin Gilinas dans l'uniforme du Canadien aussi, c'était assez spécial. Même lui, il disait qu'il réalisait un peu un rêve. Donc, ça, c'était pas mal de fun. Puis, je suis allé faire un petit tour aussi à la plaza des fans, là, qui était un peu l'endroit où il y avait les festivités, il y avait des groupes de musique, il y avait toutes sortes de d'ateliers, si on veut, des lancers plus rapides, des choses comme ça, des tables de jeux de hockey sur table. Donc, c'était bien organisé pour les spectateurs. Je pense que les gens en ont eu pour leur argent. Peut-être un petit peu moins pour les fans du Canadien, mais pour ce qui est de l'ensemble de l'activité, là, ça a été un très beau week-end pour tout le monde, je pense. T'as passé quoi un peu, là? Toi, t'étais sur la galerie presse, il va faire chaud, mais les commentaires des gens dans les estrades, t'as-tu... on réussissait à toffer avec les épaisseurs, là? Ben, en fait, moi, j'étais privilégié parce qu'il y avait une spectatrice que je connaissais très bien, qui était ma conjointe, en fin de compte, pour ne pas la nommer. Moi, je te voyais venir à 100 000 alors. Et puis, moi, j'allais elle était assise sur mon côté, sur le côté de la galerie de presse, donc en chaque période, j'allais voir comment ça allait, puis déjà après la première période, là, elle disait qu'elle commençait à avoir des difficultés à se sentir les orteils, puis pourtant, elle était bien habillée, elle avait amené son habit d'hiver, finalement, les culottes de soupe, puis le manteau, elle avait même deux tucs, deux paires de mitaines. puis finalement, ça aurait peut-être pris deux paires de bottes parce qu'elle a gelé juste des pieds. Mais c'est ça, la température, il annonçait moins 10 au moment de la mise en jeu, mais apparemment, avec le facteur vent, là, ça ressemblait plus à un moins 20. OK. Ouais. Pas facile quand même. Mais là, moi, je veux savoir, là, en terminant, Jonathan, là, on en a eu une classique cet hiver, là, au 1er janvier. On vient d'en avoir une encore. Est-ce que en bout de ligne, tu trouves que c'est trop? Ben c'est ça, comme on se disait un peu vendredi, je pense que ça perd, le fait d'en avoir deux, je pense que ça perd un peu de son effet spécial. Malgré ça, les joueurs, étant donné que c'est pas les mêmes équipes qui sont impliquées, là, à part les Pingouins qui en ont fait deux, les joueurs sont heureux de vivre cette expérience-là parce que souvent, pour eux, ça arrive une fois dans une vie. C'est peut-être juste l'enrobage, c'est peut-être juste le build-up de tout ça qui est peut-être un peu moindre parce qu'il y en a deux au lieu d'une seule. Mais je pense que c'est quand même plaisant, mais je m'entraînerais quand même peut-être juste à une par année, parce que si on en fait deux à toutes les années, à un moment donné, là, les gens, ça va être moins couru, je pense. Ou comme on parlait tantôt durant une pause, peut-être plus tôt dans la saison et non durant la course aux séries. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, aussi, c'est vrai, parce que écoute, les deux points pour les deux équipes hier étaient très importants, puis c'est dommage de voir que parce qu'une des deux équipes s'est moins bien adaptée à ces conditions spéciales-là, c'est triste de voir que cette équipe-là peut être pénalisée en bout de ligne. Donc effectivement, c'est un bon point que t'amènes, Phil, peut-être. Non, c'était Marc-Antoine. C'est un peu Phil qui l'avait emmené durant la pause. C'était mon point durant la pause, mais c'est pas grave. Donc effectivement, au début de la saison, ça serait peut-être moins coûteux pour les formations, quoiqu'en bout de ligne, le deux points du début de l'année ou deux points de la fin de la saison est toujours comptabilisé de la même façon, mais on a peut-être moins l'impression que c'est important. Donc, dans ce cas-ci, puis c'est surtout que si on continue à en faire, maintenant, on n'aura pas le choix d'en faire dans les marchés du Sud. Puis, comme je disais tantôt en préambule dans l'émission du matin, il y en a déjà eu une à Las Vegas dans le parking du Caesars Palace, donc ça peut se faire à peu près n'importe où, là. Ben, je pense que oui, ça peut se faire n'importe où. Écoute, avec les systèmes de réfrigération qu'on a aujourd'hui, il y a quelques semaines, à une radio montréalaise, il y a un officiel du Québec qui comptait, qui était allé à un championnat du monde de hockey, là, genre la division 3, où je me souviens plus, là, au Mexique, puis il y avait eu un match à l'extérieur. La glace était affreuse, mais quand même, ils ont quand même tenu un match à l'extérieur au Mexique, donc ça serait très possible de le faire dans le sud des États-Unis, j'imagine. Ouais, je les ai vus, les images du match au Mexique. Il y avait à peu près 5000 personnes, probablement toutes pour se refroidir et non pas pour regarder un match de hockey. Là, mais Les autres, ils buvaient du thé glacé au lieu du thé chaud. Ouais, c'est ça. Pour le joueur des Canadiens. Du bouillon de poulet. Une petite cerveza, par exemple. Ça, ouais. Ils montraient ça hier. Ils montraient ça à CBC. La bière, il y avait quelqu'un qui a essayé d'en verser, puis c'était congelé au niveau des boissons alcoolisées. Donc, ça rendait pas du tout facile, mais il disait que pour cet événement-là, il se vend plus de bière dans les classiques hivernales que dans tous les matchs de football qui sont disputés au Heinz Field. Ah, j'ai pas de difficulté à te croire. Comme je disais tantôt, quand je suis allé à la Plaza des Partisans, là, il y avait des concessions, et puis celle où il y avait la bière, là, il y avait un line-up épouvantable, là. Je pense que les gens devaient s'en prendre deux, trois en même temps, parce que sinon, c'était trop long de refaire la file une deuxième fois. C'était le kiosque le plus achalandé. Une grosse paille à slush avec ça. Je vais faire une paille à slush. c'est pour ça qu'avec un line-up de même, des boissons alcoolisées, il fallait rentrer subtilement dans nos épaisseurs. Tout à fait. Avec une petite fiole. Hey, Jonathan, merci beaucoup de t'adjoindre à nous. Ça fait plaisir. Bon retour au Québec là, dans les prochaines heures. Parfait, oui, on se reparle vendredi de la magnifique ville de l'Assomption. C'est bon. Bon voyage. OK, merci. Salut. Bye-bye. Alors, c'était Jonathan Bernier de rufrondac.com qui nous parlait de cette classique héritage. Jonathan qui me fait penser, en parlant de l'Assomption, là, le match des étoiles, là, si on veut, du Canadien, là, le concours d'habileté, ils affrontaient les Braves de l'Assomption lors de ce concours d'habileté. Donc, les jeunes de l'Assomption, là, l'équipe de l'Assomption qui avait remporté le petit concours permettant de jouer contre le Canadien. OK. qu'est-ce que je te dis? Merci pour l'information. Écoute, j'ai fait un effort. Alors, en l'espace de 2 minutes, les boys, 2-1 classique. 2-1 match à l'extérieur par année. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ben, moi, comme je l'ai mentionné, là, 2 matchs, en fait. Ben, je sais pas 2 matchs par année nécessairement, mais. Un de temps en temps? Ouais, peut-être 1 ou 3 ans, mettons, question de garder le même barème, mettons, de pourcentage entre les équipes américaines qui peuvent le faire, parce qu'on s'entend que Nashville, San Jose, on verra jamais ça à l'extérieur, versus le nombre d'équipes canadiennes qu'il y a. C'est-à-dire de pas nécessairement faire à toutes les années une classique héritage avec. Parlons classique héritage pour le Canada, puis classique hivernal, disons, pour les États-Unis. Ouais. Donc, peut-être pas à toutes les années faire une classique héritage, parce que forcément, ça fera en sorte qu'il y a des équipes canadiennes joueraient beaucoup plus souvent à l'extérieur que les équipes américaines. Mmh. Mais une fois aux 3 ans, peut-être une fois aux 4 ans, en garder une et puis conserver la classique hivernale là, pour nos voisins du sud. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est qu'on n'a pas nécessairement les infrastructures pour accueillir un match comme ça partout au Québec, au Canada plutôt. Toronto, c'est bien beau Sky Dome, mais ça fait pas très hivernal. Là. C'est un moule à gâteau, là, le Sky Dome, ben, le Rogers Center, on doit l'appeler. Donc, jouer un match-là avec un toit qui se ferme, même s'il est ouvert, ça sera pas super excitant. Ah non, pas du tout. Ce serait comme jouer au stade olympique avec la toile partie au vent. À Montréal, tu peux peut-être monter ça à 30 000 places, mais ça reste très petit comme stade. Ouais. Vancouver, il va pleuvoir, donc on peut oublier ça. Ottawa, tu peux toujours le faire sur le canal Rideau, comme Jonathan disait la semaine passée. C'est pas construit pour ça. C'est pas aménagé pour ça. Puis le Franklin Stadium est tout simplement pas rebâti, donc il y a rien pour ça pour l'instant. On parle de 2013, mais quand même, là, on parle d'un stade de 25 000 places environ, donc ça reste le même dilemme qu'à Montréal. À part le Commonwealth Stadium, c'est toutes des petites choses à petite échelle. Mm-hmm. Ça vaut-tu la peine? Je sais pas, je suis pas super intéressé. Ben moi, j'aime ça. Peut-être pas, comme Philippe disait, à ce niveau-ci de la saison, durant la course, mais moi, j'aime bien ça, voir les joueurs dehors, l'énergie, on voit tous les cœurs d'enfants des joueurs qui sont. On voyait Alex Tanguay qui disait, tu sais, on se remémore quand on était jeune, le match de la Coupe Stanley, on s'imaginait qu'on était au match de la Coupe Stanley, c'est nous autres qui allaient... Pour les joueurs, c'est génial, ouais, c'est, je te parle mais, au niveau marketing, moi. Ça t'en prend au moins une par année. Je veux dire, toi, t'arrêterais ça là, les 1er janvier. Oui, une par année. OK. On parlait durant le match des étoiles, d'arrêter le match des étoiles pour... la classique hivernale, que c'était quasiment ça qui représentait le plus le hockey, qui vendait plus le hockey aux États-Unis. Moi, je pense que c'est important de garder ça. Puis, Une fois ou deux fois, mais au début de la saison. Pas au début de la saison, mais pas durant la course aux séries, en fin de saison. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. C'est ce qui conclut l'émission donc sur cette discussion. J'espère que vous avez aimé ça. Il me semble qu'on a eu une bonne émission cette semaine, malgré le retard de Philippe. Écoute, à peine 1 minute et demie. Je suis sorti de ma voiture et j'entendais le début du... Le début du générique. Ouais. J'entendais Sidney Crosby marquer son but. Oui, alors on vous remercie beaucoup d'avoir été nous. On se laisse en musique avec du Xavier Caféine, Gisèle. Et joignez-vous à nous vendredi. N'hésitez pas à nous visiter à conduitedeparti.com. Bonne journée et bonne semaine tout le monde. Ouais.